qui. C'est sur un air mélancolique que je pars au charbon. Que Dieu me pardonne quand j'ai du mal à dire pardon. Hey, regarde où la vie nous mène. La monnaie, monnaie, nos âmes et nos vies humaines. Pas vu, pas pris, mais je prie pour éviter le prix à payer. Tant mieux pour toi, c'est le fils de la rue, ça a payé. Mais c'est pas le cas pour tous. Fini la belle époque, tous pour un et un pour tous. Plus de frères qui tous. Un vécu test, blind test. Quand la tête est dans la tête, c'est là qu'on se dit ils peuvent pas me test. Nos galères on les prend comme des épreuves. La preuve de bon sens je fais preuve. Quand la vie m'éprouve, le trésor faut que je le trouve. Que je me trouve au bon moment, au bon endroit. Mais pour ça faut que je m'y retrouve. Alors je regarde avec qui je marche, avec qui je traîne. On sait qui tu es quand on voit avec qui tu traînes. Je traîne un passé qui me colle à la peau. Des flashbacks dans ma tête, retranscrit comme tes diapos. Si tu veux d'ici peu, je serai moins dissipé. Si je veux réussir ma vie, je sais que je dois anticiper. Je rappe et j'écris bien, mais j'ai pas été loin à l'école. Puis coller pour rigoler, engrainé par l'alcool. C'est cool, mais les années défilent. La France est en déficit et les fins de mois se font difficiles. J'arriverai à chiffrer le R1 dans le rap, j'essaie de gérer. Mais y'a peu de pistons et puisqu'on en parle, c'est pas l'état qui nous rira le fiston. Ça se braque pour du shit, ça se fume pour de la cesse. Prends tes couilles avant de sortir, attache tes lacets. L'état nous a délaissés, c'est pour ceux et celles. Les anges sont au ciel, dur d'assumer les décès. Peu d'issue, d'ici ou d'ailleurs. C'est d'ici que tout part et quand tout part, c'est la merde tout part. Le bis part en partout, ça se baisse en se faisant la bise. Je veux mon bif, mes royalties, donc je fais mon bis. Et à la base, moi, je suis juste un mec d'éther, un mec de test qui vient se refaire avec des bêtes de texte. La banlieue, on y vit, on y crève et on y baisse. C'est un pour le prince et deux pour le baisse. Avec les meilleurs qui font la tendance, hein. Brosseur denté dans en attendant, hein. Bande d'enfoirés, foirés. Yeah, c'est qui? Yeah, oh my frère. Je choix des armes, frère. Hein, c'est nous les rey. Oh my, hein. Oh my, hein. Oh my, hein. Oh my, hein. Oh my, hein. Oh my, hein.